T'as rien du tout, j'ai pas de retour. Ah, ça y est, je l'ai. Oh là là là là, Tom! Tom, si, tu es là, Tom! Tu as du retour, mais parle pas trop fort, s'il te plaît, parce que là, tu casses mon casque. J'ai demandé ton retour, ton casque à toi, si tu veux. Mais ne c'est parle beau, pas trop fort. C'est rock, c'est fort, c'est chaud, c'est le rock fort chaud ce soir! Avec comment on appelle ça? Une doublette d'invités ce soir. Et ouais, nous aurons deux interviews pour le prix d'une. Mais avant ça, je dis bonsoir à Tom. Bonsoir Phil. Comment vas-tu, Tom? Tom va bien. Tom va bien, on est le 14 septembre. Il fait un temps d'hiver, c'est génial. Hein? C'est fantastique. Ouais, on avait l'automne il y a un mois, donc... à la mieux, on avait l'automne. Donc, ça y est. Ah, non, non, il fait bon. Non, attends, non, il fait bon, ouais, quand tu vois les gens qui sortent avec leur Canada Goose, excuse-moi. Il y a encore une semaine, j'étais à poil dans mon jardin. Pour citer une marque, parce qu'on a le droit à une Canada Goose, au passage, salut au Canada et Québec. Ouais. Et eux, là-bas, ils savent ce que c'est, enfin, les vrais. Ici, ils sont déjà sortis les Canada Goose. Eh ben, Goose, même, je crois qu'on dit. Eh ben, là-bas, ils doivent bien arriver, les faits. Bon. Ils sont qu'au mois de septembre, mais ils en avancent. Allez, ce soir, deux invités, comme je vous l'ai dit. Le premier sera le groupe Molly Baron. Qui sera en concert demain soir à la mécanique ondulatoire quartier Bastille pour les Parisiens. Avec et qui puis, avec, bon, on en parle tout à l'heure, de toute façon. Non, je n'ai pas devant moi, là, les trucs. Bon. On en parle tout à l'heure, puisqu'on les aura en interview pour ce magnifique album qu'on a reçu cette semaine, mais qu'on avait déjà pas mal écouté la semaine dernière. Et dont on vous avait déjà rabattu un peu les oreilles. Et nous aurons Pascal Pacali qui nous sort son nouveau livre, son nouveau... c'est pas un roman, hein. Enfin bref, il vous en parlera. C'est sur le rock underground. C'est des nouvelles, non, c'est Paris. Ça c'est des nouvelles. Je sais pas, j'ai pas le bouquin, donc je ne sais pas. Il nous dira tout à l'heure. Me pose pas de questions à moi, je n'ai pas écrit le livre. Nous avons commencé cette émission avec une reprise, vous l'avez tous reconnu, il s'agissait de Motorhead. Avec non, il s'agit d'une reprise de David Bowie par Motorhead. Il me coupe pour dire ça. Oui. Mais putain, mais on va pas y arriver ce soir. Non. Bon, au revoir, Tom. Bonne soirée. Bon, Motorhead qui reprenait David Bowie, c'était un peu, surprenant d'ailleurs de sa part. Et ça apparaît sur un album qui s'appelle Under... Under. Il suit pas. Alors il dit des conneries, mais alors quand il faut suivre, alors il n'y a plus personne. Undercover. Voilà. Undercover qui est sorti le 1er septembre sur le label qui se nomme Silver. C'est moche. Silver Lightning Music. Bien. Non, parce que j'allais dire Silver, mais non, Silver Lightning Music. Voilà. Alors sur cet album, vous avez à peu près 11 reprises. 11 reprises. Ça va de Metallica, Judas Priest, vous avez Twisted Sister, bien évidemment, puisqu'ils sont quand même bien potes. Ozzy Osbourne aussi. Enfin bref, vous en avez pour tous les goûts. Vous avez même les Rolling Stones, tiens. J'avais pas vu, il y a deux titres des Rolling Stones. Et il y a Ted Nugent également, Rainbow, David Bowie bien sûr, puisqu'on l'entend, et Sex Pistols, voilà. Et les Ramones. Et les Ramones. Ouais, il y en a vraiment pour tous les goûts sur cet album de reprises. Alors ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est pas toutes des reprises inédites, à part Heroes de David Bowie. Mais ce qui est intéressant, c'est de les avoir tous sur un album et d'avoir un nouvel album de Motorhead, bien que Monsieur Lemmy soit disparu. Presque deux ans, au mois de novembre, ça fera... Non, au mois de décembre, ouais, ça fera deux ans. Voilà, donc c'était pour vous parler de ça. J'aime beaucoup les albums de reprise quand elles sont faites comme ceci. Et puis c'est un grand hommage à toutes les personnes, tous les artistes qu'il a côtoyés, le père Lemmy. Et franchement, moi j'ai bien aimé cet album. Nous enchaînons avec ce que l'on entend en fond sonore. Le groupe s'appelle The Casanovas. Ils nous viennent d'Australie et ils seront à Paris, mon cher Tom. Oui, ils seront au club, très cher, le 20 septembre prochain. Ils sont formés en 99, c'est du hard rock. Et ils seront en concert avec Fire. Exactement. Et leur dernier album s'appelle Texas Casanova. Enfin, je pense que c'est le dernier. Terra Casanova, oui. Pourquoi Texas ? Non, Terra Casanova, qui est sorti en 2015. Hein, c'est ça, chez Cargo du East Island, c'est ça ? C'est ça. Et c'est du hard rock, c'est très bien. Le groupe s'est formé en 1999. Allez les voir, parce que c'est vraiment bien sur scène. Hein. Puis l'affiche est belle. C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Elle fait très rétro. Bah, c'est très rétro comme groupe. Hein. Et franchement, moi j'aime bien. Bon, très bien. Donc, allez. Il n'y a pas de place à gagner ? Non, il n'y a pas de place à gagner. Pas pour ce concert-là, il y en aura pour tout à l'heure, mais pour l'instant, il n'y a pas de place. Mais on va annoncer quand même le numéro de téléphone. Parce que je sais qu'il te démange le bout de la langue, alors vas-y. 06 81 01 28 34. D'ailleurs, au passage, par ce numéro de téléphone, vous pouvez envoyer une enchère. On commence à 1 000 €. Une casquette collector du Rock for Show. D'accord ? Ah oui, elle est collector, celle-là. Parce que c'est avec l'ancienne adresse. Il n'y a plus d'adresse. C'est pour ça que les collecteurs, elle est très abîmée. Ouais. Donc, que j'ai en ma possession, que Finn ne récupérera plus. Vous pouvez envoyer les enchères par ce numéro de téléphone. Et, d'accord. Ah bah tiens, au plus offrant. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on reçoit déjà des... Qui c'est qui nous appelle ? Bah, donne, je vais regarder. Salut les biquets du métal. Bien sûr, c'est Chris. Bah, tiens, qui ça peut être? Bah, c'est Chris. Voilà. Salut mon petit Chris. J'espère qu'on va le voir ce week-end. Demain, après-demain. À moins que tu viennes voir Molly Baron demain soir avec nous. Puisque nous, on y va à la mécanique ondulatoire. Mais avant ça, je sais que tu vas vouloir découvrir le groupe. En tout cas, c'est super. Bon, allez. On a déjà passé un titre la semaine dernière. On va passer aux nouveautés. Les nouveautés, c'est Gwar qui nous a sorti un nouveau clip pour le. De ces derniers tours, ces derniers temps, ces derniers jours, qui s'appelle El Presidente, tiré de leur album The Blood of Gods. Allez, je te laisse dire la suite, ça sort chez Metal Blade. Ça sort chez Metal Blade, c'est un album qui fait 11 titres, ils sont sortis. Non, ça sortira le 20 octobre prochain, pour ça que tu dis. Ils sont formés en 1984, ce sont des vieux de la vieille des États-Unis, et c'est du trash metal en. Très bien. Ensuite, on suivra. Bah, un truc qui est un peu de saison, quoi. C'est complètement de saison, c'est pour ça que j'ai choisi. Mais presque bientôt, dans quelques jours, arrive à Love Autumn. Non, l'automne est déjà là, je te rassure. Nous ne sommes plus en été, l'automne est déjà là. En avance, certes, mais Arrival of Autumn, c'est le nom c'est du groupe. Ça vient de là-bas, de chez vous qui nous écoutez sur radioquebec.biz de chez Canada. Enfin, du Canada. C'est sorti chez Nuclear Blast. Le titre, c'est The Honor et leur album démo single. Donc non, c'est une démo, elle n'est pas encore sortie. Ouais, c'est ce que je me dis. Parce que bah non, c'est pas ce que tu dis, puisque tu viens de dire le contraire. Mais non, mais démo single, c'est à la place de l'album. Normalement, il y a album, mais là, c'est marqué démo single. Voilà. C'est du metalcore, c'est formé en 91. Canada, Grande Prairie, donc ça, c'est centre-ouest, si je me trompe pas. Voilà, c'est la Grande Prairie. C'est même pas comme ça l'accent canadien, mais moi je l'ai fait comme ça. Ah, c'est un peu mieux que celui que tu voulais faire la semaine dernière. Hein. Ah, la semaine dernière c'était quoi? C'était du belge, c'est ça? Ouais, je sais plus ce que t'as voulu faire, mais ouais, ça ressemblait du belge, à du belge. Hollandais. Non, ouais, je voulais faire, je sais plus. Bon, voilà. Je suis pas bon hein, dans les. Je suis pas bon tout court. Je vais faire de l'allemand et t'as fait du belge. C'est ça. Allez, on enchaînera ensuite avec Diablo Boulevard. Diablo Boulevard qui nous sort son nouvel album, ça s'appelle Zero Hours. Et le titre, eh ben, c'est Summer Has Gone. L'été est parti. C'est pour ça. Bon, en fait, c'était que des clins d'œil hein, ce soir. Bon, on va s'arrêter là. On en a fait deux clins d'œil, comme ça on a fermé les deux yeux et on voit plus rien. Et donc ça sort, ça, par contre, chez Nuclear Blast la semaine prochaine. Oui. Et il contient 11 titres, c'est des Belges, ils nous viennent d'Anvers et contre Anvers. Ouais, mais si tu me fais Anvers, je peux pas faire et contre tous. Anvers. D'ailleurs, en parlant d'Anvers, en parlant de la Belgique. Oh non, mais attends, continue, t'as pas de soucis. C'est du heavy metal, ils sont formés en 2005. Et en parlant d'Anvers et de la Belgique, on retrouvera Drakkar ce week-end pour ceux qui viennent avec nous. Ou qui veulent retrouver Drakkar, bah venez avec nous au Free Fest. On vous en parle tout à l'heure. Voilà. Ça sortira donc le 22 septembre. Nous enchaînerons ensuite avec une des plus belles voix du hard rock des années 90. Et ils reviennent aujourd'hui avec Still Earth, le nouvel album qui s'appelle Frog Worlds of Stardust. Et ce soir, je vous propose une petite ballade fluette qui est assez magistrale, qui s'appelle You Got Me Twisted. Et ça sortira le 15, c'est-à-dire demain, chez Frontiers. L'album fait 10 titres et monsieur Miljevko Matijevic. Miljenko. Matijevic est le chanteur du groupe et franchement, moi j'adore. Allez voir toutes les vidéos qu'il y a lorsqu'il est en solo aussi, c'est vraiment exceptionnel. C'est du hard rock, c'est formé en 1981 et ça nous vient des États-Unis. Voilà. Allez, on vous récapitule. Gwar, on enchaîne avec. Arrival of Autumn. On continuera avec Diablo Boulevard. Et on terminera avec Still Earth. I wanna paint the world in blood and paint the streets in blood. Oh, got a hold on me. I can hardly breathe. Girl, you got me twisted. Girl, you got me twisted. How to love when every day I'm lost and denying this unforgiving world you got us spinning. Retour dans le Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30, diffusé par RadioQuébec.biz, Radio Biz. Et on dit bonjour à Eric et puis à tous les auditeurs québécois, hein, et puis tout le monde. Voilà. J'espère que vous avez bien apprécié cette première plage musicale. On avait commencé, mon cher Tom, avec... Gouard, avec Gouard, ouais, voilà, parce que oui, c'est ta Gouard, oui. À Gouard qu'il nous faut. Ouais, bah, on va dire ça. Arrival of Autumn juste derrière, Diablo Boulevard ensuite. Et pour finir, un instant, Phil. Et ben Steelheart avec la magnifique voix. Bon, j'espère que le nouvel album, on l'a pas encore reçu, j'espère que le nouvel album va être vraiment très bien dans tout son ensemble. Parce que franchement, moi j'adore ce groupe que j'ai découvert en 1990 avec leur album Steelheart, qui était vraiment un bijou. Et qui reste dans ma collection parmi les meilleurs albums de tous les temps. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Z Family. On vous en a déjà parlé en début d'été, puisque l'album sort là bientôt chez M&O Music. et c'est avec Z, un ex d'Agoba. Donc c'est un groupe qui vient de Marseille, bien évidemment. Et ils feront leur release party le jeudi 5 octobre. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout de faire une release party le jeudi. Enfin bon, tant pis pour eux. Nous n'y serons pas. Le jeudi 5 octobre à Paris au Dr. Feelgood des Halles. Et l'album... donc ils joueront quelques morceaux, excusez-moi, de cet album. Et ça durera pour une session qui durera à peu près 30 minutes. Et ils seront au Minty Metal Fest. Ah oui, ils seront au Minty. Bien. Ce week-end. Ouais, ce week-end. Mais ce week-end, nous, on est au Fertois Rockin' Fest. Et à propos du Fertois Rockin' Fest, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Non pas. Non. Vous inquiétez pas. Le festival a bien lieu. Coûte que coûte, bien entendu. Mais Frantic Machine disparaît de l'affiche tout simplement parce que Seb, le guitariste chanteur, s'est blessé au dos. Donc on est vraiment contrit. Hein, et on s'associe tous auprès de Seb et auprès du groupe Frantic Machine pour que Seb fasse une bonne convalescence et nous revienne en pleine forme, lequel en pleine voix. Le chanteur, mais les deux, hein, les deux ils peuvent. Sinon, le groupe qui les remplace sera donc Bull Run. Je ne connais pas. Alors, sachez que MF Crew prendra la place et le créneau horaire de Frantic Machine. Hein, et que Bull Run donc prendra la place et le créneau horaire de MF Crew. Voilà pour tous ceux qui ont suivi un petit peu. Le Fertois Rock Infest 1, ça se trouve à la Ferté-sous-Jouarre. C'est ce samedi et ce dimanche. Et sachez que vous pouvez nous appeler au 06 81 01 28 34. On va nous envoyer des SMS hein, pour... gagner vos places pour aller voir ce festival. Voilà. On va passer maintenant à Molly Baron, nos premiers invités. Et pour ce faire, eh bien, nous allons écouter un titre de leur album éponyme Molly Baron, qui se nomme, donc le titre que nous allons écouter, s'appelle Fear is Better Business Than Love. Oh putain, j'ai du mal à parler ce soir. Fear is Business... Alors, non, tout seul, tu me laisses. Feel ah oui, is better bien sûr. Business than love. Putain, je vais y arriver. Than love. C'est une autoproduction sortie en 2016. L'album contient 10 titres. Ils étaient au début 3, hein, c'était un trio. Mais ils sont un peu plus nombreux, je crois, maintenant qu'ils sont 4. C'est du stoner et ils se sont créés donc en 2016. C'est un superbe groupe et nous les recevons ce soir dans le Rock for Show avant leur concert de demain soir à la Mécanique Ondulatoire à Bastille. Mmh. Paris, 75 000, France, Île-de-France. Et donc ils nous en parleront tout à l'heure. Voilà, on en voit tout de suite et on se retrouve tout de suite après avec Molly Baron. De retour dans le studio, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Ce soir, nos premiers invités se nomment Molly Baron. C'est un méga super groupe. On a découvert ça vraiment complètement par hasard, parce qu'on s'est penché sur une affiche de concert où on ne pouvait pas aller. On a voulu faire la promo de cette affiche du concert et... Bah, du coup, on s'est dit, on va écouter quand même les groupes qui sont à l'affiche du concert. Et on a découvert Molly Baron. On aurait dû les découvrir largement avant, étant donné qu'ils ont joué pour notre ami Flo, je crois que c'était à la Féline. Et ils ont joué également à l'Élysée Montmartre. Enfin bref, ils ont joué un peu partout. Je vous dis que ça, ce soir, on les découvre en musique, mais vous allez aussi les découvrir en interview. Parce qu'on a carrément craqué sur cet album. Je voulais dire bonjour tout d'abord à Steven. Salut, je suis avec Seb aussi, le bassiste du groupe, il est juste à côté de moi. Très bien, donc vous allez justement présenter tout le groupe, vous allez nous raconter un petit peu votre histoire, votre œuvre, votre vie, même si elle est un peu courte, puisque le groupe s'est formé en 2016. 2014. Ah, c'est marrant. Le groupe s'est formé fin 2014 avec Gary et moi, avec une première ossature du groupe, et en fait on a rencontré Seb quelques mois après, et au final on est au complet en tant que groupe qu'à partir de depuis 6 mois à peu près. Voilà, donc 2016, c'est bien ça? C'est ça, 2016. Ouais. Le projet existait déjà un petit peu avant, du coup. D'accord. En tout cas, un magnifique album. Alors lui, l'album, par contre, j'ai vu qu'il était sorti, le premier jet était sorti en 2016? En 2016? Oui. Oui, c'est ça, on a commencé à sortir l'album en 2016, puis ensuite on s'est dit qu'on allait commencer par faire pas mal de concerts pour pouvoir justement défendre cet album dont on est très très fiers et dont on a mis énormément d'énergie et d'amour dedans, d'amour du rock et du métal. Du coup, là, on est en train de le défendre et on peut dire qu'il est disponible maintenant. On n'a pas vraiment de date de sortie parce qu'au final, on a fait enregistrer la batterie par un batteur professionnel au Tennessee, à Nashville. Et en fait, maintenant que Raph est dans le groupe depuis seulement 6 mois, on considère que l'album est disponible à partir de maintenant. Très bien. En tout cas, comme je l'ai dit en préambule, c'est vraiment un album qui tourne depuis que je l'ai reçu physiquement, puisque jusqu'à présent, c'était que des MP3 que j'avais sur votre site. Parce qu'on peut écouter, je crois que c'est 4 ou 5 titres, c'est ça, sur le site de Molly Baron? On peut tout. Alors, sur le Bandcamp de Molly Baron, on peut télécharger l'album gratuitement. Sinon, sur le site, on peut effectivement écouter plusieurs chansons. On a notre clip qui vient de sortir aujourd'hui, d'ailleurs, il y a à peu près 1h10. Sur Molly, et je vous encourage tous à aller le voir parce que c'est vraiment cool, c'est vraiment super top. Voilà, et Molly, c'est le titre que vous entendez derrière nous en fond sonore. Donc ça tombe bien, puisqu'il est sorti vraiment aujourd'hui. On l'a regardé, franchement, il dépote bien. Je trouve que la mise en place, les prises de vue et tout, je me suis un petit peu régalé. Et quand j'aime un groupe, en général, j'en mange jusqu'à plus faim. Et je dois dire que j'ai pas encore fini de manger du Molly Baron, puisque demain soir, vous serez en concert et on compte bien venir vous voir. Vous serez en concert à la Mécanique Ondulatoire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui va être fait pendant ce concert? Est-ce qu'il y aura que des titres de cet album ou quelques surprises? Alors oui, on sera en concert à Mécanique Ondulaire avec Mr. White Noise et Mr. Edson. En fait, on joue notre album en intégralité. On a plein d'idées. Vraiment, on a un groupe qu'on compose tous vraiment assez facilement. On a vraiment envie de, pour l'instant, de se concentrer sur les concerts pour se faire connaître. Et ensuite, on va vraiment se mettre à fond pour continuer à composer, pourquoi pas pour un deuxième album et pour les prochains concerts, vous offrir des nouveaux titres pour que vous puissiez en manger. Oui, en tout cas, franchement, si c'est du même acabit, moi je dis chapeau, bravo, surtout en si peu de temps, avoir composé un si bel album. C'est un digipack, un magnifique digipack que le groupe vous offre d'ailleurs, puisqu'on en a deux à vous faire gagner ce soir au 06 81 01 28 34. Alors, on va poser quand même une petite question. En quelle année, puisque ça a été dit en ouverture, en quelle année les prémices du groupe ont eu lieu? Ah! Hein, j'espère que vous avez bien écouté l'interview et vous pourrez donc rafler cet album. Il contient 10 titres, magnifique digipack. Qui a fait la pochette? Alors c'est Gary qui a fait la pochette, car il est graphiste en fait de formation. Il a d'ailleurs bossé beaucoup avec Shutu et d'autres groupes. Et donc c'est lui qui a fait la pochette suite à de nombreuses discussions et dialogues entre nous pour savoir un petit peu les directions à prendre. Mais c'est vraiment un travail de groupe, mais c'est lui qui a la finalité du boulot, et on en est très très content, très très fier de cette magnifique pochette. Et c'est pour ça que le clip On l'a tourné sur une plage parce qu'on voulait que ça ressemble un petit peu à la pochette de l'album. On voulait être un petit peu dans cette même couleur, dans ce même étalonnage, et on en est très content. Eh bien, super. Et je vais mettre aussi, puisque on les avait mis la semaine dernière, hein, les places pour le concert de demain soir, si tu es toujours OK, pour qu'on les fasse gagner ce soir. Ah bah avec plaisir, ouais. Carrément. Ça va être une super bonne soirée. Et il faut aussi rajouter qu'entre chaque groupe, il y aura des danseuses burlesques qui feront des shows pour faire patienter le public. Donc, si vous n'êtes pas pour la musique, vous pouvez quand même venir pour voir les filles. Ouais, bah nous, on va venir deux cool. fois. Alors, on va venir deux fois. On va venir une fois pour vous voir et plein de fois pour voir les filles. Et la troisième fois pour le bar. Voilà. Alors, pour gagner les places, c'est simple, ça, on vous pose pas de questions, hein, parce que ce qu'on aimerait, c'est qu'un maximum de gens du Rock for Show aillent découvrir ce groupe, parce que franchement, nous, on a vraiment craqué. Hein. Donc, Molly Baron, demain soir, à la Mécanique Ondulatoire, c'est près de Bastille, hein, c'est proche de Bastille. C'est près de Bastille. Et allez voir sur l'événement hein, du concert, et vous aurez l'adresse complète, à moins que tu l'aies, l'adresse complète. Je l'ai pas sous la main, là, désolé, mais je pense que c'est assez facilement trouvable avec tous les smartphones qui se respectent. Tout à fait. La Mécanique Ondulatoire, voilà. Très bien. À part ce concert à la Mécanique Ondulatoire, l'Élysée Montmartre, la Féline, qu'y a-t-il dans l'avenir pour Molly Baron en concert? En concert, on a un concert de prévu en décembre au Bateau Phare avec Helios et d'autres guests. Et on commence à avoir des petites dates qui commencent à arriver en province courant octobre. Très bien. Et puis j'ai vu que quand même le groupe était assez proche d'un autre groupe que l'on soutient très fortement et qui sera d'ailleurs en concert au Fertois Rockin' Fest samedi, puisqu'il s'agit de MF Crew. Ouais, exactement. On a fait un concert avec eux justement à la Céline, la semaine dernière. Je les connaissais que de nom, j'aimais déjà beaucoup leur musique et j'ai rencontré des gens absolument géniaux et adorables, une gentillesse incroyable et ils ont balancé un set monstrueux. On a été super fiers de jouer avec eux et on travaille un petit justement pour essayer de se trouver une autre date pour jouer ensemble parce qu'on a vraiment eu un super feeling entre nous et on espère vraiment refaire ça très bientôt parce qu'ils sont vraiment vraiment très très bons. Bah, dis-moi si je me trompe, mais musicalement, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques similitudes, pas sur tous les titres, hein, mais quelques similitudes avec Molly Baron. Ouais, parce qu'en fait je pense qu'on a la même culture des anciens et des Metallica, des Pantera, de tout ce qu'ils font entre notre enfance et tous ces génies musicaux qui nous ont bercés. Après je pense qu'ils sont un peu plus trash, un peu plus heavy trash, et nous on va peut-être plus s'axer sur du rock 70s comme Led Zeppelin ou Thin Lizzy. Tout en rajoutant un petit peu cette espèce de petite touche un peu Muse, U2 dans les mélodies pour un espèce de mélange qui est pas forcément prémédité parce que ça sort vraiment de ce qu'on a envie de faire et pas forcément de ce à quoi on veut ressembler. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes et ça a été un vrai plaisir de faire cette date avec eux et vraiment j'espère vraiment qu'on va en refaire une très bientôt parce que les mecs sont top musicalement et géniaux humainement. Donc que du kiff. Voilà, bah ça me fait plaisir et ça me donne même des frissons ce que tu me dis parce que c'est vraiment des potes. Et Valérian, qui m'a parlé de vous, était très content qu'on vous reçoive ce soir, même si c'est que en phoneur, parce que lui il a eu la chance de venir dans le studio. Mais je pense que la prochaine fois, on vous recevra en chair et en os. Hein, parce que ce soir, je sais que vous êtes en répète pour le concert justement de demain. Et c'est pour ça qu'on voulait pas trop vous pénaliser, vous déranger. Mais on tenait vraiment à vous avoir et à faire votre actualité dans ce Rock for Show juste avant votre concert puisqu'on a raté tout ce qui s'est passé depuis janvier bien malgré nous hein, parce que franchement il y en aura plein d'autres c'est que le début là. C'est vraiment que le début. En tout cas, 10 morceaux à découvrir sur cet album Molly Baron. On vous rappelle 06 81 01 28 34 06 81 01 28 34 pour rafler deux places pour aller voir le concert de demain soir à la Mécanique Ondulatoire et également deux albums. Alors attention, pour les deux albums, par contre, il y a une question. Quelle a été les prémices de la formation, l'année, les prémices de la formation de Molly Baron. Voilà, il faut juste l'année. Sachez que c'est dans le 21e siècle. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Hein qu'est-ce que tu as d'autre à rajouter? Tu peux peut-être nous présenter donc tes petits camarades de jeu, puisqu'on a parlé de Gary pour la pochette. Parle-nous un petit peu de comment vous vous êtes rencontrés tous ensemble. Bah alors Gary, j'ai rencontré du coup en fin 2014. Il avait du coup ce projet de monter un groupe. On s'est rencontrés, on a tout de suite eu un coup de cœur musical l'un pour l'autre de par ce qu'il proposait et de par ce que j'avais absolument envie de jouer. Ensuite, il y avait une première monture du groupe qui s'est vite un petit peu délabrée. Et on a rencontré Seb 6 mois après, du coup Seb qui est à côté de moi, parce que c'était l'ancien bassiste de Ricky Dozen. Et on est tombé sur sa chaîne YouTube où on était super impressionnés parce qu'il faisait beaucoup beaucoup de covers de Metallica, de Pantera, etc. On était impressionnés par le son de sa Rickenbacker et à quel point le mec avait un groove et était juste monstrueux. Donc ensuite on s'est rencontrés avec Seb et on a tout de suite accroché. Après on a cherché un batteur pendant, on est pas mal dans merde, on cherchait un studio, on cherchait un batteur, on cherchait un chanteur parce que Gary était pas prévu, à la base il devait pas chanter. Et on s'est concentré à fond du coup tous les trois avec Seb et Gary sur l'écriture des morceaux, des mélodies, etc. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que Gary savait chanter et qu'il chantait vraiment bien. Et du coup, on lui a dit, bah Gary, tu sais quoi, chante. On a notre chanteur, c'est vous qui chante. Et donc on a enregistré ensuite, on a fait enregistrer la batterie qui était déjà enregistrée du coup par le batteur au Tennessee, à Nashville, parce qu'on s'est dit, il faut qu'on avance, on a envie d'avancer. On continue nos recherches de batteur, mais on avance. Et on a enfin du coup cet album. C'est pour ça que malheureusement, Raph n'est pas sur la pochette de l'album, il n'est pas dans le clip non plus parce qu'on l'avait pas encore rencontré à ce moment-là. Mais Raph est effectivement c'est le quatrième membre de notre groupe et on est vraiment devenu une famille. Et on l'a rencontré il y a 6 mois, on a été complètement bluffé par son jeu totalement hallucinant de groove et de en même temps de violence, mais avec beaucoup de toucher et de nuances inspiré par les Meshuggah, les Tool, les Mastodon. Et juste voilà, quand on l'a rencontré et qu'on a fait notre première répète ensemble, on s'est dit bah voilà, on a un groupe, on va avancer, on va tout déchirer, on va faire le plus de concerts possible, on va tourner à mort, on a 1 milliard de chansons encore dans nos tiroirs, on a 1 milliard de riffs, ne serait-ce que dans chaque téléphone de chaque personne, et on a juste envie, en fait, on a faim de concerts et on rêve que d'une chose, c'est de continuer et de kiffer autant qu'on est en train de kiffer en ce moment. En tout cas, on va écouter un deuxième titre de cet album, enfin un troisième, puisqu'on écoute Molly depuis tout à l'heure en fond sonore. Nous allons écouter un troisième titre, donc Incognito. Et ça, c'est ce que vous n'allez pas rester très très très longtemps, Incognito, à mon avis, avec le talent qui déborde de cet album. Et puis surtout, on vous retrouve demain soir, donc à la mécanique ondulatoire. Mon cher Tom, tu nous rappelles un petit peu les autres groupes qui sont à l'affiche Alors, Mr. White Noise. Ah, c'est Mr. White Noise. Desperate Son. Très bien. Bon, bah voilà, tout est dit. Tom, tais-toi. Autant demander à l'intérêt, c'est principal. Hein. Bien sûr. Non, mais je voulais te faire parler parce que je pensais que les gens avaient cru que tu étais parti. Et non, Tom est toujours là, derrière le micro. C'est tout comme. Allez, Steven, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Non, pas plus que ça. Merci encore pour votre temps. Et puis, on espère tous vous voir le plus possible. Voilà, rock'n'roll quoi. Bah en tout cas, on sera là demain et on viendra vous faire la bise. Et on fera la bise aussi aux danseuses. un petit peu. Pour ça. Des danseuses burlesques. Ça va être super. Allez, on écoute tout de suite Molly Baron, suivi de Threshold, qui est œuvre dans un prog metal, un peu plus burné, on va dire, que tout ce qu'on a écouté tout à l'heure. Ça sort chez Nuclear Blast, c'est sorti chez Nuclear Blast le 8 septembre. L'album s'appelle Legends of the Shires, et surtout, c'est un double album qui contient je crois 18 titres et qui est un concept album. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Stars and Satellites. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur ce groupe? Non, ils nous viennent d'Angleterre, bien entendu. Heavy progressif, ils se sont formés en 1988. On enchaînera également avec Air Raid, tiré de leur album Across the Line. Et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Hold the Flame. Alors attention, ça c'est du spécial old school, sorti chez High Roller Records. Ça sortira le 29 septembre. L'album contient 9 titres et le groupe fait du heavy metal vraiment old school. Ils se sont formés en 2009 en Suède, à Göteborg. Et enfin, on terminera avec le groupe Argus, tiré de leur album From Field of Fire, sorti chez Cruz del Sur Music le 8 septembre. Et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle As a Thousand Thieves. On en reparle tout à l'heure au moment du débrief. Pour l'instant, on vous laisse avec Molly Baron pour Salut commencer. Steven. Salut Steven, Salut. À demain. Merci bye bye. Pour tout. Salut. Change your mind. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock Flow Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Depuis maintenant très longtemps, puisque l'émission fêtera ses 34 ans au mois de décembre. On vous le rappelle quand même, hein, parce que c'est important. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Stolen Memories. On vous en parle tout de suite après. Pour l'instant, on va débriefer un petit peu ce que l'on a entendu. On a entendu Molly Baron, on vous rappelle, demain soir. La mécanique ondulatoire, et il y a toujours deux places à gagner au 06 81 01 28 34. Il n'y a pas de question, vous avez juste à envoyer votre nom, votre prénom, en disant on veut aller voir Molly Baron. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de m'envoyer au 06 81 01 28 34 pour rafler les places. Par contre, pour l'album de Molly Baron, si vous voulez le rafler, eh bien c'est simple, vous nous dites en quelle année le groupe s'est formé avant de sortir cet album. Donc ce n'est pas en 2016, c'est tout ce que je peux vous dire. Nous avons écouté donc Argus tout à l'heure, suivi de Threshold, et on vient de terminer avec Air Raid. Voilà, et pour continuer, eh bien, sur Stolen Memories, sachez que l'album s'appelle Paradox, qu'il est sorti chez Do It, enfin il sortira chez Do It le 27 octobre. Donc c'est pour ça qu'on vous le passe en fond sonore, juste pour vous donner un petit peu l'idée un petit peu de ce que c'est. C'est un groupe français qui fait du métal progressif, et ils se sont formés en 2007. On en reparlera certainement d'ici la fin du mois de septembre ou début octobre. On aura le temps pour ça. Pour l'instant, nous allons recevoir notre deuxième invité qui, lui, n'est pas musicien, chanteur. Il nous présente de la musique, mais de la musique intellectuelle, intellectualisée, puisqu'il suffit de la lire. C'est donc un écrivain. Il s'appelle Pascal Pacali. Et on l'avait déjà reçu dans le Rock for Show pour des œuvres précédentes. Pour l'instant... et son actualité d'aujourd'hui, c'est Paris Rock Underground. C'est son dernier ouvrage qui vient nous présenter ce soir. Alors on va pas vous cacher, on va pas vous mentir, nous ne l'avons pas lu encore parce que nous ne l'avons pas reçu. Mais Pascal va vous débriefer un petit peu ce que l'on peut trouver dans cet ouvrage. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça parle de musique, ça parle de lieu où se trouve la musique, et ça parle aussi de Paris, de l'underground et du rock. Ah, voilà, avec rien que ça, vous en savez déjà pas mal. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va pas trop mal, et toi? Bah écoute, on continue, comme tu vois, on est toujours là, on est toujours présent, et prompt pour recevoir tous les invités qui nous le demandent. Donc, bienvenue à nouveau à toi dans le Rock for Show pour ta nouvelle œuvre. Merci. Alors, qu'est-ce que tu peux nous... Comment peux-tu nous présenter Paris Rock Underground en quelques mots? C'est un ouvrage qui, comme son nom l'indique, raconte sous forme de nouvelles et interviews. Un petit morceau d'histoire, parce que Paris c'est tellement vaste et il y a tellement de choses à raconter. C'est des portraits d'artistes, de groupes, de lieux. J'ai rencontré tout plein de bonnes personnes artistiquement et musicales, et donc voilà, ils me racontent un petit peu comment ça s'est passé, la création de leur groupe. Donc pêle-mêle, qu'est-ce qu'on peut citer? Il y a Napo Romero qui a fait les Chichi Wawa, oui. Et les Frères Misère avec Mano Solo. Il y a les Washington Dead Cats, c'est Mass Hysteria. Après il y a aussi le Club, la Céline. Enfin il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc c'est vraiment histoire de montrer un petit peu ce que Paris a dans le ventre, même si on s'en doute. Voilà, ça il y a pas mal d'anecdotes, tu t'en doutes. Et tout plein de bonnes choses sur ceux qui aiment le rock, voilà, sur le rock français en tout cas. Alors la bande-son, faudra vous la concocter vous-même. Ce soir, on va vous passer deux titres, hein, parce qu'on s'est arrêté sur seulement deux titres, puisqu'on avait beaucoup de choses à passer. On s'est arrêté sur Mass Hysteria, bien entendu, un classique. Hein. Aujourd'hui, c'est un classique. Mais ils ont commencé, effectivement, dans l'underground. Les Washington Dead Cats également, tout ça. Aujourd'hui, ce sont des groupes quand même qui sont, on va dire, cultes, hein, comparé à l'underground. Et puis, on va passer aussi Arnaud Futur. Alors là, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus d'Arnaud Futur, parce que si on connaît très bien Mass Hysteria, on connaît aussi un petit peu Arnaud Futur, mais surtout son projet solo Arnaud Futur, ça, on le connaît un peu moins. Alors, Arnaud Futur, donc, qui est On doit le préciser quand même, qui a été pendant au moins une trentaine d'années le chanteur des Sales Majestés. Donc c'est vrai qu'une Sale Majesté, ça parle, je pense, à beaucoup de monde. Et donc voilà, donc la vie d'un groupe est parfois faite de haut et de bas. Et donc ils sont amenés à se séparer. Et donc Arnaud a continué son projet en solo. Et donc voilà, là il vient de sortir un album qui s'appelle Cannibal. Et donc voilà, c'est super intéressant parce que c'est toute une autre dynamique qui s'enclenche quand tu passes d'un groupe à un solo. Et c'est quelqu'un, enfin, que moi j'ai rencontré plusieurs fois, qui a le cœur sous la main, qui est vraiment très généreux, et voilà, donc en plus qui fait de la bonne musique, etc. Donc voilà, ça me tenait à cœur à mettre aussi donc dans le livre. Voilà, il raconte un petit peu, je raconte un petit peu voilà son aventure en solo, pendant les répétitions, pendant les concerts. Donc c'est toute un petit morceau d'une grande épopée, mais voilà, ça donne comme ça un petit premier coup d'œil pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur ce formidable personnage. En tout cas, ça reste très punk rock, hein, comme les Sales Majestés. Vous allez écouter un titre tout à l'heure qu'on vous diffusera, qui s'appelle Garage Band, parce qu'on s'est dit justement l'underground, ça commence où? Bah, dans un garage. Et effectivement, quasiment tous les groupes se sont formés et répétés chez les amis avant d'aller dans des vraies salles de répétition. Et encore, aujourd'hui même, les groupes qui se forment ne répètent pas dans des vraies salles de répétition. En tout cas, pas tous. Et donc, c'était un petit peu l'univers des groupes dans les années, on va dire, 70-80 hein, aussi. Hein. Justement, ce parcours que tu fais sur Paris Rock Underground, il commence dans quelles années? Et bien, alors justement, ça me permet de revenir sur ce que tu disais par rapport au groupe culte, parce que justement, donc, je parle de Métal Urbain, qui est un groupe culte et donc qui a commencé dans les années 70. Et c'est marrant parce que justement, je discutais avec Eric Débry, qui est le chanteur du groupe, et en fait, donc il m'expliquait, donc je lui disais, c'est cool quoi d'être un groupe culte, parce que ça veut dire quelque part, t'as réussi, etc. Mm-hmm. Et en fait, il me racontait, il me disait, ouais, mais en fait, je préférais quand même avoir te parler de chez moi, de ma villa, avec une piscine, avec une Cadillac, et plein de champagne et de femmes. Tu vois, et en fait, voilà, ça a été très difficile leur parcours. Et voilà, le groupe culte, ça veut dire aussi quelque part, c'est que t'as pas percé comme tu le voudrais. Donc, c'est toute l'ambivalence justement de la musique. Des fois, on t'a envie de réussir et t'y arrives pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes d'ailleurs qui se séparent. Parce qu'il y a la lassitude, il y a les égos, la drogue, etc. Mais voilà, donc être culte, je pense qu'il y en a qui s'en passeraient volontiers, quoi. Mais après, c'est là où tu vois aussi que c'est une affaire de vraiment de passionné, parce que les gens, c'est toute leur vie, parce que malgré que des fois, ça marche pas tout du premier coup, ils continuent. D'ailleurs, pour rebondir sur les Washington Dead Cats, ils ont eu, voilà, des fois, ils ont eu des creux, ils ont arrêté, ils ont repris, ils ont arrêté, etc. Mais voilà, après, quand t'as ça en toi, t'as pas envie de t'arrêter, tu continues malgré tout, et c'est ce que, voilà, c'est aussi Paris Rock Underground, c'est aussi une façon de le rendre hommage à tous ces groupes. En tout cas, comme on va rebondir là-dessus sur Massisteria, puisque le titre qu'on a choisi pour ce soir, c'est Positif à Bloc. Donc c'est vraiment un groupe qui est resté. Ils sont partis de l'underground, ils sont venus aujourd'hui, ils sont carrément en tête d'affiche hein, dans les médias, oui. Parce qu'ils font le Hellfest. C'est repris par tous les médias avec leur musique, mais pas seulement, mais avec la passion du public également, avec le visuel également qui déchaîne lorsqu'ils font des concerts aussi gros que le Hellfest. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui est devenu, on va dire, un petit peu au-dessus du lot. Ouais, mais après, il faut relativiser. Là, on parle d'un groupe de métal. Donc, pour le métal en France, malheureusement, ça reste encore quelque chose de très peu médiatisé, enfin, des grands médias. J'ai un peu peur, parce que ça fait du bruit, etc. Et voilà, donc après, pour nous, Massisteria, c'est clair, c'est au-dessus, voilà. Mais voilà, moi, je sais pas si tu interroges ta mère, si j'interroge ma mère, c'est pas gagné que tu connaisses le groupe, quoi. Donc voilà, après, le métal en France, c'est vraiment très, très difficile. Mais oui, après, mais ce qui était intéressant, et donc je rebondis encore une fois sur pourquoi Positif à Bloc, c'est parce qu'en fait, donc dans le livre, je raconte un petit peu l'histoire de ce titre et je trouve ça très sympa. Donc j'avais interviewé Mousse, le chanteur, et il m'avait raconté que ça vient en fait qu'il lors d'une soirée d'un bœuf, il avait rencontré un mec un peu punk, et donc il avait tagué en gros sur son mur, voilà, positif à bloc, et du coup l'autre, le mec lui avait expliqué que voilà, bah, que dans la vie il faut être optimiste malgré tout ça, les coups bas, etc. Et c'est vrai que c'était une rencontre qui avait beaucoup marqué en fait Mousse, et donc du coup après il l'avait inspiré pour ce titre. Et c'est vrai que aujourd'hui on vit dans une société qui n'est pas toujours très très gaie, donc voilà, un peu d'optimisme ne fait pas de mal, je pense. Allez, on va parler un petit peu maintenant matière, le bouquin, les feuilles. Combien de pages pour ce nouvel ouvrage? J'ai pas regardé, donc c'est aux éditions Blackout, donc le signal, parce que ça concerne un éditeur très content, et ça doit faire environ 250 pages. Donc il y a des interviews, il y a des nouvelles biographiques, il y a aussi des Gonzo Reports. Donc les Gonzo Reports, c'est inspiré de Hunter S. Thompson, qui était un grand écrivain américain. Donc c'est en fait des reportages qui sont vraiment à l'intérieur. Et il y a aussi des petites chroniques sur des groupes émergents, parce que Paris Rock Underground, donc c'est les années 70-80, les trucs alternatifs, mais c'est aussi tous des groupes aujourd'hui qui essayent d'exister. Et justement, en plus, ils parlent très bien ces groupes, ils expliquent très bien la problématique pour exister à Paris, parce que c'est beaucoup plus dur qu'en province, parce que des fois, il faut payer, justement, quand tu es payé, donc... Il y a aussi des soucis de com, etc. Et donc, il y a des groupes comme Twisted Oaks, qui font du très bon métal. Il y a So Was The Sun. Et voilà, donc c'est plein de... il y a Central Express aussi. Et c'est toute une scène émergente qui montre un petit peu les difficultés à réussir à Paris. Donc ça aussi, c'était important, parce que c'est vrai qu'on se souvient tous du côté alternatif, etc., avec une certaine nostalgie. Mais voilà, après, quand tu es dans la réalité du terrain... C'est quand même autre chose, c'est parfois des galères. Alors, comme le groupe avant, ils expliquaient, c'est bien, tu fais des super rencontres, etc. Mais voilà, après, si t'ambitionnes d'en vivre, c'est vraiment difficile. Et donc, voilà, c'était un chapitre aussi. Enfin, voilà, je voulais en parler également. Très bien, Pascal. Bah, on te remercie, en tout cas, pour cette explication. On espère recevoir le bouquin très bientôt pour pouvoir en parler encore plus à la radio. Et puis, pourquoi pas en faire gagner peut-être un exemplaire à nos auditeurs. Enfin, ça, c'est toi... C'est toi qui verras. On en reparlera, je pense, dans quelques jours. Est-ce que, au passage, t'as pas une conférence ou quelque chose prochainement sur Paris ou pas? Alors, si, normalement, sur Paris, le 13 octobre, il y aura une conférence au Philharmonie. Et le 26 octobre, au club, il y aura une dédicace. Ben, justement, il y aura Arnaud Futur, il y aura des artistes. Alors, par contre, j'aurai pas de filles burlesques, je suis désolé. Hein. On va faire avec les artistes, nous sommes juste des artistes, on n'aura pas de... Voilà. Mais voilà, c'est tous des gars super sympas et qui ont des tonnes d'anecdotes, des tonnes d'histoires à raconter, donc ça va être sympa. On a fait une première dédicace à la Féline, c'était vraiment bien passé, donc voilà, on va remettre ça donc le 26 octobre au club. Et donc voilà, le 13 octobre, une conférence, n'est-ce pas, donc au Philharmonie de Paris. Bah, n'hésite pas à nous renvoyer les dates et on les mettra, on les rappellera surtout à l'antenne. Et puis on reparlera de Paris Rock Underground dans toutes les bonnes crèmeries. Combien il coûte ? 16 euros, monsieur. Voilà, c'est donné. Hein. En plus de ça, vous allez pouvoir rigoler parce qu'il y a des belles anecdotes dedans. Et puis surtout, vous allez vous faire votre propre bande son musicale en écoutant le Rock for Show, puisqu'on essaiera de diffuser de temps en temps quelques groupes du bouquin. Pour l'instant, vous en diffusez deux des groupes du bouquin. Il s'agit de Mass Hysteria, comme on vous l'a dit, positif à bloc, tiré de l'Armée des Ombres. C'est sorti chez Vericord en 2012 et on enchaînera avec Arnaud Futur. Garage Band, sorti de l'album Cannibal, sorti chez Rush Hour en 2016. C'est le premier album de Arnaud Futur. Il contient 14 titres, c'est du punk rock. Voilà, et c'est vraiment très bon. Vous allez entendre, là, c'est vraiment excellent. En plus, les textes sont très actuels encore aujourd'hui. Très politisé, oui. Et nous continuerons avec un autre groupe qui s'appelle, alors là ça n'a rien à voir avec le livre, hein. Ça s'appelle Implore, et ça par contre c'est sorti chez Century Media, ça va sortir chez Century Media la semaine prochaine, le 22, c'est du Death Grind, le groupe s'est formé en 2013, ils sont allemands de Hambourg, Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Eh bien, l'album s'appelle Subjugate. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom, s'appelle Untouchable Pyramid. Hein, tout un programme. Pascal, on te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis on te retrouve très bientôt. Déjà, on essaiera de venir à la conférence ou à la dédicace. On verra si on peut se déplacer et venir te voir. Avec grand plaisir. Hein, ok. Ça marche. Eh bien, reste à l'écoute du Rock for Show pour la fin de cette émission. Et puis, pour toutes les autres émissions d'ailleurs du Rock for Show qui continueront les autres semaines. Et on te dit à très bientôt. Et encore plein de bouquins, parce qu'à chaque fois, on se marre bien quand on lit les bouquins de Pascal, puisque tu as toujours des petites anecdotes assez sympas. Bon, bah écoute, à très bientôt. Et puis, j'espère que tu vas durer encore au moins 34 ans. Ça c'est pas dit, mais on va essayer de durer le plus longtemps possible, mais 34 ans ça fera un peu beaucoup. En tout cas, merci à toi Pascal et à très bientôt. On envoie tout de suite la musique avec Mass Hysteria, c'est parti. De retour dans le Rock 4 Show, après cette interview de Pascal Pacali, j'espère que vous en avez appris plein hein, et que vous avez apprécié. L'ouvrage donc s'appelle Paris Rock Underground et franchement voilà un petit peu de lecture au lieu de musique du Rock 4 Show, bah c'est pas mal aussi hein, et ça nous permet de dévier un petit peu et de parler un petit peu des à côté. Donc nous avons écouté Massisteria dont on parle dans le livre et Arnaud Futur également dont on parle dans le livre et Implore dont on ne parle pas dans le livre, mais peut-être que Pascal un jour parlera des groupes allemands qui font du trash grind death metal. Peut-être, on sait pas. Hein, Il aurait peut-être pu en parler dans son livre précédent Trash Palace. Ouais, à Trash Palace, ouais, peut-être Trash Palace, mais là non. Allez, ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle School Yards. Ils viennent de sortir ils vont sortir un nouvel album, je crois. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus puisqu'ils sont en concert, mon cher Tom? Oui, ils seront en concert dans le 77 à Cesson le 23 septembre prochain, concert à 19h avec Dagara, Crossed Hands et des guests. Voilà. Qu'est-ce que tu m'as dit? Et un guest. Un guest, un seul? C'est en parenthèse S, donc possibilité d'en avoir plusieurs, on sait pas. Possibilité, on verra. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On va vous rappeler quand même le Fertois Rockin' Fest ce week-end, mon cher Tom, et ça se trouve à La Ferté-sous-Jouarre dans le 77. 17. Tout comme ses sons hein, d'ailleurs. Mais je voudrais qu'on rappelle que Frantic Machine ne jouera pas et qu'ils seront remplacés par un autre groupe. Tu veux qu'on rappelle tous les groupes qui seront au Freefest, comme on le dit? Ce sera bien. Allez, vas-y. Donc, ADX, pour ne citer déjà obligatoirement, Manigance, Tank, Drakkar, Barracuda. Donc, Frantic Machine qui ne seront pas là et qui seront remplacés, comme a dit Phil, Overdust, PTK, Trash Band, Malmore, Heroines, Digitals, Mankind. Certain Digitals, c'est ça? Digits. Oui, c'est ça. Ouais, 18, c'est pas 18. Non, 13. Ah, c'est 13, oui, excuse-moi, je croyais que c'était 18. Bomber Head, le tribute à Motorhead, Fighter 8, ça, eux, ils sont obligés d'y être. Witches, MF Crew, Evilson, Attraction Theory, Ultra Volta, Zill Empire, Misanthrope et Existence. Tout ça, c'est la journée du samedi pour le dimanche. Attends, juste rappeler que à la place de Frantic Machine, ce sera Bull Run. Yes, hein, c'est ça que je voulais parce que tu me l'as pas remplacé sur la feuille que c'est j'ai là. Bull Run. Donc à FRT Sujoir, et on met ça le dimanche avec un petit peu plus pop, un peu plus rock. Voilà, moins métal. Dudu Vampire, Let It Beat Band, Sea Live Tribe, Moonkilla, Nell, The Mockers, Red Shark, The Droppers, DTC, Fractal, Rock Cover, The Big Pep, Crossroad, No Sup, The Rosad, Stone Deaf, Hit The Ground, Rewind, Airplane et Selkilt. Ouais, j'ai du mal. Non mais même là-dessus, je peux même pas t'aider, donc je te dis à tes souhaits. Selkilt. Nell, si je ne me trompe pas, c'est la chanteuse. J'ai perdu le nom du groupe. C'était Mel. Nell. Je sais pas. Je peux pas te dire, j'en sais rien. Et je ne m'étendrai pas sur ces groupes puisque je les connais pas. Donc. J'en connais quelques-uns justement. Donc c'est pour ça que c'est alternatif. C'est bien. C'est cool. On va enchaîner sur la fin de la programmation parce qu'on a quand même. Tu sais pour combien de temps il nous en reste là? Parce que je sais que le Dreamcatcher qu'on voulait passer dure très longtemps. Ouais, mais sache qu'on a le temps. C'est sûr? En même temps, le Dreamcatcher, tu veux le mettre en entier? Non, on va le mettre à la fin. Nous, il sera en entier sur la rediff de l'émission, mais peut-être pas sur le direct. C'est ça que je voulais dire. On a le temps, très cher, parce que... Ouais, alors nous allons commencer avec Binary Creed. Binary Creed qui vient de sortir un nouvel album le 8 septembre qui s'appelle Battle Worn. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Black Storm. J'espère que ce n'est pas ce que je vais subir en sortant du studio. Ça vient de Suède. Ils font du prog metal formé en 2013. L'album contient 10 titres. Et il est sorti chez Rockshore Records. On enchaînera ensuite avec Creeper. Alors là, Creeper, c'est sorti chez Metal Blade demain. Ça sort demain chez Metal Blade. Je crois que ça fait mal à la tête. Ça s'appelle comment s'appelle le titre de l'album déjà? Il s'appelle Follow Me. Deux petits points. Chill. Ça fait mal à la tête. C'est du trash metal. Aïe. Et ils nous viennent d'où? Ils nous viennent d'Allemagne. Ah, alors c'est bien. Si ça vient d'Allemagne, c'est très bien. Ça vient de Hanovre. Je crois que c'est d'Hanovre, d'ailleurs, d'où venait Scorpion. Le groupe s'est créé en 2005. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Pressure. Et on enchaînera, si Tom me dit qu'on a le temps, avec Chrome, un groupe français qui œuvre lui dans du metalcore. Le EP 6 titres s'appelle God of Fight et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Rise of the Lord. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le groupe? C'est une autoproduction. Ils nous viennent de Blois. Et ils sont français, donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Okay. Moi, je vais revenir sur ce que disait Nel tout à l'heure, c'est la chanteuse de Forma Life. D'accord, super. Qui a fait l'émission 100% télé-réalité de Metal qui était tournée au Signal. Tu vois ce que c'est? Non. non, franchement, non. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Metal Entertainment, voilà. Ah, oui, d'accord. C'était tout Metal VS. Versus Tournament. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais, nous on avait fait la première, on avait soutenu le numéro 0 en fait. J'étais membre du jury du numéro 0. Enfin coach, c'était pas un jury, c'était des coachs. Et on avait soutenu le numéro 1. Alors après je sais pas ce qu'est devenu cette émission. Il y a eu plusieurs épisodes. Mmh. Après c'est un investissement et ça coûte cher à produire. C'est ça. En tout cas, on leur passe un petit coucou. À l'équipe de tournage. L'équipe. D'ailleurs, il y a un membre de Artwag qui en faisait partie. Tout à fait. Et deux. Allez, j'ai perdu les noms des groupes qui est dans un autre groupe et qu'on a diffusé d'ailleurs dans l'émission. Mais bon, j'ai pas tous les noms. Il y a beaucoup de noms. Allez, bon, on y va. On y va avec Binary Creed. On enchaîne avec Creeper et on termine avec Chrome. Et on se retrouve tout de suite après. Musique. Falling ground. But now my feet were my before. De retour dans le Rock for Show. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Dreamcatcher. Ils sortent leur nouvel album très bientôt, ce sera le 13 octobre je crois, et il y aura une release party au Dr. Feel Good. On vous en reparlera hein, parce qu'on a encore un petit peu de temps. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui ils ont sorti un... pas un clip, enfin si c'est un clip, comment dire, un lyrique clip, une lyrique vidéo sur le morceau qu'on est en train de vous passer qui s'appelle Blood on the Snow. Et c'est le titre également de ce nouvel album de Dreamcatcher. Donc on recevra le groupe le 5 octobre dans le studio. Hein, ils viendront ça ici. Y est, c'est validé. Ah ouais, ça y est, c'est validé. C'est comme ça chez moi. Hein. Tu traînes pas. Hein. Ah, c'est validé de ton côté, mais pas du leur. si, c'est validé. Ils ont validé pendant l'émission en me disant que c'était ok. Donc voilà. Donc on va vous laisser écouter parce qu'il dure très longtemps le morceau. Donc on va vous laisser avec ce morceau et puis on en repassera hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut vous dire la semaine prochaine. On ne sait pas encore avec qui, avec quoi, comment, où. Enfin où si on sait, ce sera ici. Comment avec des micros, bien évidemment. Avec qui Tom, nous deux, déjà, ce sera déjà pas mal. Ah, déjà. Si on arrive à être là, c'est bien. Et puis, on reviendra du fertoir Rockin' Fest, donc ça va être cool. Hein. Je pense que ça va être cool. Cool. Raoul, hein. Je pense. Ouais, ça va couler de source. Non, je sais ça pas. Coulera de source, ouais. Je sais pas. On sait pas, on verra. Je sais pas. Enfin, la météo est tellement spéciale en ce moment que. Ouais. Et puis, je vous en ai pas parlé, mais j'ai été voir un magnifique, super, extraordinaire concert dimanche. Hein, j'ai enfin pu avoir une place pour aller voir Metallica. Et bon, j'en parle beaucoup sur Facebook, mais franchement, c'était certainement l'un de mes concerts de l'année, voire de plusieurs années. Hein, parce que franchement, merci Metallica pour le décor, pour le visuel et tout. Ok, il y a eu des pains dans les morceaux. Oui, Mais faut pas regarder que ça, quoi. Il y avait l'esprit, il y avait tout. Bon, ok, les places étaient chères, ils ont pas le droit de faire de pain dans des morceaux. Oui, mais bon. Pff, oh là là. L'esprit métal, hein, franchement, les métalleux sont tellement pointilleux. Moi, j'ai pris un plaisir monstre. J'avais l'impression d'être retourné en enfance. Allez, on s'arrête là. On vous laisse avec Dreamcatcher. On va vous le remettre depuis le début. Et puis. Pour ce qu'il en reste, je pense pas, quoi. Parce qu'il reste pas beaucoup de temps pour les auditeurs. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine. C'était Rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le Rock for Show. Ouais. Allez, bye bye. Et passez un bon week-end. The soldier went into the camp, these are the idiots.